Livre 12e, Corinthe. Chapitre 1, Histoire de Corinthe depuis sa fondation. Les Parisiens, qui aujourd'hui, en entrant dans la rue Rambuteau du côté des Halles, remarquent à leur droite, vis-à-vis la rue Mondétour, une boutique de vannier ayant pour enseigne un panier qui a la forme de l'empereur Napoléon le Grand, avec cette inscription. Napoléon est fait tout en osier. Ne se doute guère des scènes terribles que ce même emplacement a vues il y a à peine 30 ans. C'est là qu'était la rue de la Chanvrerie, que les anciens titres écrivent « Chanvrerie » et le cabaret célèbre appelé Corinthe. On se rappelle tout ce qui a été dit sur la barricade élevée en cet endroit et éclipsée d'ailleurs par la barricade Saint-Merry. C'est sur cette fameuse barricade de la rue de la Chanvrerie, aujourd'hui tombée dans une nuit profonde, que nous allons jeter un peu de lumière. Qu'on nous permette de recourir, pour la clarté du récit, aux moyens simples déjà employés par nous pour Waterloo. Les personnes qui voudront se représenter d'une manière assez exacte les pâtés de maison qui se dressaient à cette époque, près la pointe Saint-Eustache, à l'angle nord-est des Halles de Paris, où est aujourd'hui l'embouchure de la rue Rambuteau, n'ont qu'à se figurer, touchant la rue Saint-Denis par le sommet et par la base des Halles, un N dont les deux jambages verticaux seraient la rue de la Grande Truanderie et la rue de la Chanvrerie, et dont la rue de la Petite Truanderie ferait le jambage transversal. La vieille rue Mondétour coupait les trois jambages selon les angles les plus tordus, si bien que l'enchevêtrement dédaléen de ces quatre rues suffisait pour faire, sur un espace de 100 toises carrées, entre les Halles et la rue Saint-Denis d'une part, entre la rue du Cygne et la rue des Prêcheurs d'autre part, 7 îlots de maisons, bizarrement entaillés, de grandeurs diverses, posés de travers, et comme au hasard, et séparés à peine, ainsi que les blocs de pierre dans le chantier, par des fentes étroites. Nous disons « fentes étroites », et nous ne pouvons pas donner une plus juste idée de ces ruelles obscures, resserrées, anguleuses, bordées de masures à 8 étages. Ces masures étaient si décrépites que dans les rues de la Chanvrerie et de la Petite Truanderie, les façades s'étayaient de poutres allant d'une maison à l'autre. La rue était étroite et le ruisseau large. Le passant y cheminait sur le pavé toujours mouillé, côtoyant les boutiques pareilles à des caves. De grosses bornes cerclées de fer, des tas d'ordures excessifs, des portes d'allées armées d'énormes grilles séculaires. La rue Rambuteau a dévasté tout cela. Ce nom, Mondétour, peint à merveille les sinuosités de toute cette voirie. Un peu plus loin, on les trouvait encore mieux exprimées par la rue Pirouette qui se jetait dans la rue Mondétour. Le passant qui s'engageait de la rue Saint-Denis dans la rue de la Chanvrerie la voyait peu à peu se rétrécir devant lui, comme s'il fût entré dans un entonnoir allongé. Au bout de la rue, qui était fort courte, il trouvait le passage barré du côté des Halles par une haute rangée de maisons, et il se fût cru dans un cul-de-sac s'il n'eût aperçu à droite et à gauche 2 tranchées noires par où il pouvait s'échapper. C'était la rue Mondétour, laquelle allait rejoindre d'un côté la rue des Prêcheurs, de l'autre la rue du Cygne et la Petite Truanderie. Au fond de cette espèce de cul-de-sac, à l'angle de la tranchée de droite, on remarquait une maison moins élevée que les autres et formant une sorte de cap sur la rue. C'est dans cette maison, de 2 étages seulement, qu'était allègrement installé depuis 300 ans un cabaret illustre. Ce cabaret faisait un bruit de joie au lieu même que le vieux Théophile a signalé dans ses 2 vers. Là branle le squelette horrible d'un pauvre amant qui se pendit. L'endroit était bon, les cabaretiers s'y succédaient de père en fils. Du temps de Mathurin Régnier, ce cabaret s'appelait le Pot aux Roses. et comme la mode était au rébut, il avait pour enseigne un poteau peint en rose. Au siècle dernier, le digne Natoire, l'un des maîtres fantasques aujourd'hui dédaignés par l'école roide, s'étant grisé plusieurs fois dans ce cabaret, à la table même où s'était saoulé Régnier, avait peint par reconnaissance une grappe de raisin de Corinthe sur le poteau rose. Le cabaretier, de joie, en avait changé son enseigne et avait fait dorer au-dessous de la grappe ces mots « au raisin de Corinthe ». De là ce nom, Corinthe. Rien n'est plus naturel aux ivrognes que les ellipses. L'ellipse est le zigzag de la phrase. Corinthe avait peu à peu détrôné le poteau rose. Le dernier cabaretier de la dynastie, le père Hucheloup, ne sachant même plus la tradition, avait fait peindre le poteau en bleu. Une salle en bas où était le comptoir, une salle au premier où était le billard, un escalier de bois en spirale perçant le plafond, le vin sur les tables, la fumée sur les murs, des chandelles en plein jour, voilà quel était le cabaret. Un escalier à trappe dans la salle d'en bas conduisait à la cave. Au second était le logis des Hucheloup. On y montait par un escalier, échelle plutôt qu'escalier, n'ayant pour entrée qu'une porte dérobée dans la grande salle du premier. Sous le toit, deux greniers mansardes, nids de servantes. La cuisine partageait le rez-de-chaussée avec la salle du comptoir. Le père Hucheloup était peut-être né chimiste. Le fait est qu'il fut cuisinier. On ne buvait pas seulement dans son cabaret, on y mangeait. Hucheloup avait inventé une chose excellente qu'on ne mangeait que chez lui. C'était des carpes farcies qu'il appelait « carpes au gras ». On mangeait cela à la lueur d'une chandelle de suif ou d'un quinquet du temps de Louis XVI, sur des tables où était clouée une toile cirée en guise de nappe. On y venait de loin. Hucheloup, un beau matin, avait jugé à propos d'avertir les passants de sa spécialité. Il avait trempé un pinceau dans un pot de noir, et comme il avait une orthographe à lui, de même qu'une cuisine à lui, il avait improvisé sur son mur cette inscription remarquable « Carpe, O-H-O, gras ». Un hiver, les averses et les giboulées avaient eu la fantaisie d'effacer l'S qui terminait le premier mot et le G qui commençait le troisième, et il était resté ceci « Carpe, O-H-A ». Le temps et la pluie aidant, une humble annonce gastronomique était devenue un conseil profond. De la sorte, il s'était trouvé que, ne sachant pas le français, le père Hucheloup avait su le latin, qu'il avait fait sortir de la cuisine la philosophie, et que, voulant simplement effacer Carême, il avait égalé Horace. Et ce qui était frappant, c'est que cela aussi voulait dire « entrer dans mon cabaret ». Rien de tout cela n'existe aujourd'hui. Le dédale Mondétour était éventré et largement ouvert dès 1847 et probablement n'est plus à l'heure qu'il est. La rue de la Chanvrerie et Corinthe ont disparu sous le pavé de la rue Rambuteau. Comme nous l'avons dit, Corinthe était un des lieux de réunion, sinon de ralliement, de Courfeyrac et de ses amis. C'est Grantaire qui avait découvert Corinthe. Il y était entré à cause de carpes Horace et y était retourné à cause des carpes au gras. On y buvait, on y mangeait, on y criait, on y payait peu, on y payait mal, on n'y payait pas. On était toujours bienvenu. Le père Hucheloup était un bonhomme. Hucheloup, bonhomme, nous venons de le dire, était un gargotier à moustache. Variété amusante, il avait toujours la mine de mauvaise humeur, semblait vouloir intimider ses pratiques, bougonner les gens qui entraient chez lui, et avait l'air plus disposé à leur chercher querelle qu'à leur servir la soupe. Et pourtant, nous maintenons le mot, on était toujours bienvenu. Cette bizarrerie avait achalandé sa boutique et lui amenait des jeunes gens se disant « Viens donc voir marronner le père Hucheloup. » Il avait été maître d'armes. Tout à coup, il éclatait de rire. Grosse voix, bon diable. C'était un fond comique avec une apparence tragique. Il ne demandait pas mieux que de vous faire peur. À peu près comme ces tabatières qui ont la forme d'un pistolet. La détonation éternue. Il avait pour femme la mère Hucheloup, un être barbu, fort laid. Vers 1830, le père Hucheloup mourut. Avec lui, disparut le secret des carpes au gras. Sa veuve, peu consolable, continua le cabaret. Mais la cuisine dégénéra et devint exécrable. Le vin, qui avait toujours été mauvais, fut affreux. Courfeyrac et ses amis continuèrent pourtant d'aller à Corinthe. « Par pitié, » disait Bossuet. La veuve Hucheloup était essoufflée et difforme, avec des souvenirs champêtres. Elle leur ôtait la fadeur par la prononciation. Elle avait une façon à elle de dire les choses qui assaisonnait ses réminiscences villageoises et printanières. « Ça avait été jadis son bonheur, » affirmait-elle, « d'entendre les loups de gorge chanter dans les eaux grépines. » La salle du premier, où était le restaurant, était une grande longue pièce encombrée de tabourets, d'escabeaux, de chaises, de bancs et de tables, et d'un vieux billard boiteux. On y arrivait par l'escalier en spirale qui aboutissait dans l'angle de la salle à un trou carré, pareil à une écoutille de navire. Cette salle, éclairée d'une seule fenêtre étroite et d'un quinquet toujours allumé, avait un air de galetas. Tous les meubles à quatre pieds se comportaient comme s'ils en avaient trois. Les murs blanchis à la chaux n'avaient pour tout ornement que ce quatrain en l'honneur de Mame Hucheloup. Elle étonne à dix pas, elle épouvante à deux. Une verrue habite en son nez hasardeux. On tremble à chaque instant qu'elle ne vous la mouche et qu'un beau jour ce nez ne tombe dans sa bouche. Cela était charbonné sur la muraille. Mame Hucheloup, ressemblante, allait et venait du matin au soir devant ce quatrain avec une parfaite tranquillité. Deux servantes, appelées Matelote et Gibelotte, et auxquelles on n'a jamais connu d'autres noms, aidaient Mame Hucheloup à poser sur les tables les cruchons de vin bleu et les brouets variés conservés aux affamés dans des écuelles de poterie. Matelote, grosse, ronde, rousse et criarde, ancienne sultane favorite du défunt Hucheloup, était laide, plus que n'importe quel monstre mythologique. Pourtant, comme il sied que la servante se tienne toujours en arrière de la maîtresse, elle était moins laide que Mame Hucheloup. Gibelotte, longue, délicate, blanche d'une blancheur lymphatique, les yeux cernés, les paupières tombantes, toujours épuisée et accablée, atteinte de ce qu'on pourrait appeler la lassitude chronique, levait la première, couchait la dernière, servait tout le monde, même l'autre servante, en silence et avec douceur, en souriant sous la fatigue d'une sorte de vague sourire endormi. Il y avait un miroir au-dessus du comptoir. Avant d'entrer dans la salle restaurant, on lisait sur la porte ce vers écrit à la craie par Courfeyrac. « Régale si tu peux et mange si tu l'oses. » Chapitre 2. Gaieté préalable. L'aigle de Meaux, on le sait, demeurait plutôt chez Joly qu'ailleurs. Il avait un logis comme l'oiseau à une branche. Les deux amis vivaient ensemble, mangeaient ensemble, dormaient ensemble. Tout leur était commun, même un peu musiqueta. Ils étaient ce que chez les frères Chapeau on appelle « bini ». Le matin du 5 juin, ils s'en allèrent déjeuner à Corinthe. Joly, enchifrené, avait un fort coryza que l'aigle commençait à partager. L'habit de l'aigle était râpé, mais Joly était bien mis. Il était environ 9 heures du matin quand ils poussèrent la porte de Corinthe. Ils montèrent au premier. Matelote et Gibelotte les reçurent. « Huîtres, fromage et jambon, » dit l'aigle. Et ils s'attablèrent. Le cabaret était vide, il n'y avait que deux. Gibelotte, reconnaissant Joly et l'aigle, mit une bouteille de vin sur la table. Comme ils étaient aux premières huîtres, une tête apparut à l'écoutille de l'escalier et une voix dit « Je passais, j'ai senti de la rue une délicieuse odeur de fromage de brie. J'entre. » C'était Grantaire. Grantaire prit un tabouret et s'attabla. Gibelotte, voyant Grantaire, mit deux bouteilles de vin sur la table. Cela fit trois. « Est-ce que tu vas boire ces deux bouteilles ?» demanda l'aigle à Grantaire. Grantaire répondit « Tous sont ingénieux, toi seul es ingénu. Deux bouteilles n'ont jamais étonné un homme. » Les autres avaient commencé par manger. Grantaire commença par boire. Une demi-bouteille fut vivement engloutie. « Tu as donc un trou à l'estomac ?» reprit l'aigle. « Tu en as bien un au coude, » dit Grantaire. Et après avoir vidé son verre, il ajouta « Ah ça, l'aigle des oraisons funèbres, ton habit est vieux !»« Je l'espère, » repartit l'aigle. « Cela fait que nous faisons bon ménage, mon habit et moi. Il a pris tous mes plis, il ne me gêne en rien, il s'est moulé sur mes difformités. Il est complaisant à tous mes mouvements. Je ne le sens que parce qu'il me tient chaud. Les vieux habits, c'est la même chose que les vieux amis. » « C'est vrai !» s'écria Joly, entrant dans le dialogue. « Un vieil habit est un vieil habit. » « Surtout, dit Grantaire, dans la bouche d'un homme enchifrené. »« Grantaire, demanda l'aigle, viens-tu du boulevard ?»« Non. » « Nous venons de voir passer la tête du cortège, Joly et moi. »« C'est un spectacle merveilleux, dit Joly. »« Comme cette rue est tranquille !» s'écria l'aigle. « Qui est-ce qui se douterait que Paris est sans dessus-dessous ?»« Comme on voit que c'était jadis tout couvent par ici. » »« Dubreuil et Sauval en donnent la liste, et l'abbé Lebeuf. » »« Il y en avait tout autour, ça fourmillait. » Des chaussées, des déchaussées, des tendus, des barbus, des gris, des noirs, des blancs, des franciscains, des minimes, des capucins, des carmes, des petits augustins, des grands augustins, des vieux augustins. Ça pullulait. Ne parlons pas de moines, interrompit Grantaire. Cela donne envie de se gratter. Puis il s'exclama. Bon, je viens d'avaler une mauvaise huître. Voilà l'hypocondrie qui me reprend. Les huîtres sont gâtées, les servantes sont laides. Je hais l'espèce humaine. J'ai passé tout à l'heure rue Richelieu devant la grosse librairie publique. Ce tas d'écailles d'huîtres qu'on appelle une bibliothèque me dégoûte de penser. Que de papier, que d'encre, que de griffonnage. On a écrit tout ça. Quel maroufle a donc dit que l'homme était un bipède sans plumes? Et puis j'ai rencontré une jolie fille que je connais, belle comme le printemps, digne de s'appeler Floréale, et ravie, transportée, heureuse, aux anges, la misérable. Parce que hier, un épouvantable banquier, tigré de petites véroles, a daigné vouloir d'elle. Hélas, la femme guette le traitant non moins que le muguet. Les chattes chassent aux souris comme aux oiseaux. Cette donzelle, il n'y a pas 2 mois qu'elle était sage dans une mansarde. Elle ajustait des petits ronds de cuivre à des œillets de corset. Comment appelez-vous ça? Elle cousait. Elle avait un lit de sangle. Elle demeurait auprès d'un pot de fleurs. Elle était contente. La voilà banquière. Cette transformation s'est faite cette nuit. J'ai rencontré cette victime ce matin, toute joyeuse. Ce qui est hideux, c'est que la drôlesse était tout aussi jolie aujourd'hui qu'hier. Son financier ne paraissait pas sur sa figure. Les roses ont ceci de plus ou de moins que les femmes, que les traces que leur laissent les chenilles sont visibles. Ah, il n'y a pas de morale sur la terre. J'en atteste le myrte, symbole de l'amour, le laurier, symbole de la guerre, l'olivier, ce bêta, symbole de la paix, le pommier qui a failli étrangler Adam avec son pépin, et le figuier, grand-père des jupons. Quant au droit, voulez-vous savoir ce que c'est que le droit? Les Gaulois convoitent Cluse, Rome protège Cluse, et leur demande quel tort Cluse leur a fait. Brennus répond « Le tort que vous a fait Albe, le tort que vous a fait Fidène, le tort que vous ont fait les Ecques, les Volsques et les Sabins. Ils étaient vos voisins. Les Clusiens sont les nôtres. Nous entendons le voisinage comme vous. Vous avez volé Albe, nous prenons Cluse. » Rome dit « Vous ne prendrez pas Cluse. » Brennus prit Rome, puis il cria « Voe victis ! Voilà ce qu'est le droit. Ah, dans ce monde, que de bêtes de proie, que d'aigles, que d'aigles ! J'en ai la chair de poule. » Il tendit son verre à Joly, qui le remplit, puis il but et poursuivit, sans presque avoir été interrompu par ce verre de vin dont personne ne s'aperçut, pas même lui. Brennus, qui prend Rome, est un aigle. Le banquier, qui prend la grisette, est un aigle. Pas plus de pudeur ici que là. Donc, ne croyons à rien. Il n'y a qu'une réalité. Boire. Quelle que soit votre opinion, soyez pour le coq maigre, comme le canton du Riz, ou pour le coq gras, comme le canton de Glaris, peu importe. Buvez. Vous me parlez du boulevard, du cortège, etc. Ah, ça, il va donc encore y avoir une révolution? Cette indigence de moyens m'étonne de la part du bon Dieu. Il faut qu'à tout moment il se remette à suiffer la rainure des événements. Ça accroche, ça ne marche pas. Vite, une révolution. Le bon Dieu a toujours les mains noires de ce vilain cambouis-là. À sa place, je serai plus simple. Je ne remonterai pas à chaque instant ma mécanique. Je mènerai le genre humain rondement. Je tricoterai les faits, maille à maille, sans casser le fil. Je n'aurai point d'encas. Je n'aurai pas de répertoire extraordinaire. Ce que vous autres appelez le progrès marche par deux moteurs, les hommes et les événements. Mais, chose triste, de temps en temps, l'exceptionnel est nécessaire. Pour les événements, comme pour les hommes, la troupe ordinaire ne suffit pas. Il faut, parmi les hommes, des génies, et parmi les événements, des révolutions. Les grands accidents sont la loi. L'ordre des choses ne peut s'en passer. Et, à voir les apparitions de comètes, on serait tenté de croire que le ciel lui-même a besoin d'acteurs en représentation. Au moment où l'on s'y attend le moins, Dieu placarde un météore sur la muraille du firmament. Quelque étoile bizarre survient, soulignée par une queue énorme, et cela fait mourir César. Brutus lui donne un coup de couteau, et Dieu un coup de comète. Crac ! Voilà une aurore boréale. Voilà une révolution. Voilà un grand homme. 93 en grosses lettres, Napoléon en vedette. La comète de 1811 au haut de l'affiche. Ah, la belle affiche bleue, toute constellée de flamboiements inattendus. Boum, boum, spectacle extraordinaire. Levez les yeux, badaud. Tout est échevelé, l'astre comme le drame. Bon Dieu, c'est trop, et ce n'est pas assez. Ces ressources prises dans l'exception semblent magnificence, ils sont pauvreté. Mes amis, la Providence en est aux expédients. Une révolution, qu'est-ce que cela prouve? Que Dieu est à court. Il fait un coup d'État parce qu'il y a solution de continuité entre le présent et l'avenir, et parce que lui, Dieu, il n'a pas pu joindre les deux bouts. Au fait, cela me confirme dans mes conjectures sur la situation de fortune de Jéhovah. Et avoir tant de malaise en haut et en bas, tant de mesquinerie et de pingrerie et de ladrerie et de détresse au ciel et sur la terre, depuis l'oiseau qui n'a pas un grain de mil jusqu'à moi qui n'ai pas 100 000 livres de rente, avoir la destinée humaine qui est fort usée et même la destinée royale qui montre la corde, témoin le prince de Condé pendu, avoir l'hiver qui n'est pas autre chose qu'une déchirure au zénith par où le vent souffle, avoir tant de haillons dans la pourpre toute neuve du matin au sommet des collines, avoir les gouttes de rosée, ces perles fausses, avoir le givre, ce strass, avoir l'humanité décousue et les événements rapiécés, et tant de taches au soleil, et tant de trous à la lune, à voir tant de misère partout, je soupçonne que Dieu n'est pas riche. Il a de l'apparence, c'est vrai, mais je sens la gêne. Il donne une révolution comme un négociant dont la caisse est vide donne un bal. Il ne faut pas juger des dieux sur l'apparence. Sous la dorure du ciel, j'entrevois un univers pauvre. Dans la création, il y a de la faillite. C'est pourquoi je suis mécontent. Voyez, c'est le 5 juin, il fait presque nuit. Depuis ce matin, j'attends que le jour vienne. Il n'est pas venu et je gage qu'il ne viendra pas de la journée. C'est une inexactitude de commis mal payé. Oui, tout est mal arrangé. Rien ne s'ajuste à rien. Ce vieux monde est tout déjeté. Je me range dans l'opposition. Tout va de guingois. L'univers est taquinant. C'est comme les enfants. Ceux qui en désirent n'en ont pas. Ceux qui n'en désirent pas en ont. Total, je bisque. En outre, l'aigle de Meaux, ce chauve, m'afflige à voir. Cela m'humilie de penser que je suis du même âge que ce genou. Du reste, je critique, mais je n'insulte pas. L'univers est ce qu'il est. Je parle ici sans méchante intention et pour l'acquis de ma conscience. Recevez, Père éternel, l'assurance de ma considération distinguée. Ah, par tous les saints de l'Olympe et par tous les dieux du paradis, je n'étais pas fait pour être parisien, c'est-à-dire pour ricocher à jamais comme un volant entre deux raquettes, du groupe des flâneurs au groupe des tapageurs. J'étais fait pour être turc, regardant toute la journée des péronnelles orientales exécuter ces exquises danses d'Égypte lubrique, comme les songes d'un homme chaste, ou paysan beauceron, ou gentilhomme vénitien, entouré de gentilles donnes, ou petit prince allemand, fournissant la moitié d'un fantassin à la Confédération germanique, et occupant ses loisirs à faire sécher ses chaussettes sur sa haie, c'est-à-dire sur sa frontière. Voilà pour quel destin j'étais né. Oui, j'ai dit turc et je ne m'en dédis point. Je ne comprends pas qu'on prenne habituellement les turcs en mauvaise part. Mahom a du bon. Respect à l'inventeur des sérails à Houri et des paradis à Odalisque. N'insultons pas le mahométisme, la seule religion qui soit ornée d'un poulailler. Sur ce, j'insiste pour boire. La terre est une grosse bêtise, et il paraît qu'ils vont se battre, tous ces imbéciles, se faire casser le profil, se massacrer, en plein été, au mois de Prairial, quand ils pourraient s'en aller, avec une créature sous le bras, respirer dans les champs l'immense tasse de thé des foins coupés. Vraiment, on fait trop de sottises. Une vieille lanterne cassée que j'ai vue tout à l'heure chez un marchand de bric-à-brac me suggère une réflexion. Il serait temps d'éclairer le genre humain. Oui, me revoilà triste. Ce que c'est que d'avaler une huître et une révolution de travers, je redeviens lugubre. Oh, l'affreux vieux monde! On s'y évertue, on s'y destitue, on s'y prostitue, on s'y tue, on s'y habitue. Et Grantaire, après cette quinte d'éloquence, eut une quinte de tout méritée. À propos de révolution, dit Joly, il paraît que, décidément, Barius est amoureux. Sait-on de qui ? Demanda l'aigle. Don. Non ? Don, je te dis. Les amours de Marius ! S'écria Grantaire. Je vois ça d'ici. Marius est un brouillard et il aura trouvé une vapeur. Marius est de la race poète. Qui dit poète dit fou. Timbrus Apollon. Marius et sa Marie, ou sa Maria, ou sa Mariette, ou sa Marion. Cela doit faire de drôles d'amants. Je me rends compte de ce que cela est. Des extases où l'on oublie le baiser. Chaste sur la terre, mais s'accouplant dans l'infini. Ce sont des âmes qui ont des sens. Ils couchent ensemble dans les étoiles. Grantaire entamait sa seconde bouteille, et peut-être sa seconde harangue, quand un nouvel être émergea du trou carré de l'escalier. C'était un garçon de moins de 10 ans, déguenillé, très petit, jaune, le visage en museau, l'œil vif, énormément chevelu, mouillé de pluie, l'air content. L'enfant, choisissant sans hésiter parmi les trois, quoiqu'il n'en connût évidemment aucun, s'adressa à l'aigle de Meaux. « Est-ce que vous êtes monsieur Bossuet ? » demanda-t-il. « C'est mon petit nom, » répondit l'aigle. « Que me veux-tu ? » ?»« Voilà, un grand blond sur le boulevard m'a dit. « Connais-tu la mère Hucheloup ?» J'ai dit oui, rue Chanvrerie, la veuve aux vieux. Il m'a dit « Vas-y, tu y trouveras monsieur Bossuet et tu lui diras de ma part A, B, C. » C'est une farce qu'on vous fait, n'est-ce pas ? Il m'a donné 10 sous. « Joli, prête-moi 10 sous, » dit l'aigle. Et se tournant vers Grantaire, « Grantaire, prête-moi 10 sous. » Cela fit 20 sous que l'aigle donna à l'enfant. « Merci, monsieur, » dit le petit garçon. « Comment t'appelles-tu ? » demanda l'aigle. « Navet, l'ami à Gavroche. »« Reste avec nous, » dit l'aigle. « Déjeune avec nous, » dit Grantaire. L'enfant répondit, « Je ne peux pas, je suis du cortège. C'est moi qui crie à bas Polignac. » Et tirant le pied longuement derrière lui, ce qui est le plus respectueux des saluts possibles, il s'en alla. L'enfant partit, Grantaire prit la parole. « Ceci est le gamin pur. Il y a beaucoup de variétés dans le genre gamin. Le gamin notaire s'appelle Sautruisseau, le gamin cuisinier s'appelle Marmiton, le gamin boulanger s'appelle Mitron, le gamin laquais s'appelle Groom, le gamin marin s'appelle Mousse, le gamin soldat s'appelle Tapin, le gamin peintre s'appelle Rapin, le gamin négociant s'appelle Trottin, le gamin courtisan s'appelle Menin, le gamin roi s'appelle Dauphin, le gamin dieu s'appelle Mambino. » Cependant, l'aigle méditait. Il dit à demi-voix, « A, B, C, c'est-à-dire enterrement de Lamarque. » « Le grand blond, » observa Grantaire, « c'est Enjolras qui te fait avertir. »« Irons-nous ? » fit Bossuet. « Il pleut, » dit Joly. « J'ai juré d'aller au feu, pas à l'eau. Je ne veux pas m'enruber. »« Je reste ici, » dit Grantaire. « Je préfère un déjeuner à un corbillard. » Conclusion, nous restons, reprit l'aigle. Eh bien, buvons alors. D'ailleurs, on peut manquer l'enterrement sans manquer l'émeute. Ah, les beutes, j'en suis, s'écria Joly. L'aigle se frotta les mains. Voilà donc qu'on va retoucher à la révolution de 1830. Au fait, elle gêne le peuple aux entournures. Cela m'est à peu près égal, votre révolution, dit Grantaire. Je n'exècre pas ce gouvernement-ci. C'est la couronne tempérée par le bonnet de coton. C'est un sceptre terminé en parapluie. Au fait, aujourd'hui, j'y songe, par le temps qu'il fait, Louis-Philippe pourra utiliser sa royauté à deux fins. Étendre le bout sceptre contre le peuple et ouvrir le bout parapluie contre le ciel. La salle était obscure. De grosses nuées achevaient de supprimer le jour. Il n'y avait personne dans le cabaret, ni dans la rue, tout le monde étant allé voir les événements. « Est-il midi ou minuit ? » cria Bossuet. « On y voit goutte, gibelotte, de la lumière !» Grantaire, triste, buvait. « Enjolras me dédaigne, » murmura-t-il. « Enjolras a dit, « Joly est malade, Grantaire est ivre. C'est à Bossuet qu'il a envoyé Navet. S'il était venu me prendre, je l'aurais suivi. Tant pis pour Enjolras, je n'irai pas à son enterrement. » Cette résolution prise, Bossuet, Joly et Grantaire ne bougèrent plus du cabaret. Vers 2 heures de l'après-midi, la table où ils s'accoudaient était couverte de bouteilles vides. 2 chandelles y brûlaient, l'une dans un bougeoir de cuivre parfaitement vert, l'autre dans le goulot d'une carafe fêlée. Grantaire avait entraîné Joly et Bossuet vers le vin. Bossuet et Joly avaient ramené Grantaire vers la joie. Quant à Grantaire, depuis midi, il avait dépassé le vin, médiocre source de rêve. Le vin, près des ivrognes sérieux, n'a qu'un succès d'estime. Il y a, en fait, d'ébriété, la magie noire et la magie blanche. Le vin n'est que la magie blanche. Grantaire était un aventureux buveur de songes. La noirceur d'une ivresse redoutable entr'ouverte devant lui, loin de l'arrêter, l'attirait. Il avait laissé là les bouteilles et pris la chope. La chope, c'est le gouffre. N'ayant sous la main ni opium ni haschiche, et voulant s'emplir le cerveau de crépuscule, il avait eu recours à cet effrayant mélange d'eau-de-vie, de stout et d'absinthe, qui produit des léthargies si terribles. C'est de ces trois vapeurs, bière, eau-de-vie, absinthe, qu'est fait le plomb de l'âme. Ce sont trois ténèbres, le papillon céleste sinois. Et il s'y forme dans une fumée membraneuse vaguement condensée en ailes de chauve-souris, trois furies muettes, le cauchemar, la nuit, la mort, voletant au-dessus de psychés endormis. Grantaire n'en était point encore à cette phase lugubre, loin de là. Il était prodigieusement gai, et Bossuet et Joly lui donnaient la réplique. Il trinquait. Grantaire ajoutait à l'accentuation excentrique des mots et des idées la divagation du geste. Il appuyait avec dignité son poing gauche sur son genou, son bras faisant équerre, et la cravate défaite, à cheval sur un tabouret, son verre plein dans sa main droite, il jetait à la grosse servante matelote ces paroles solennelles. « Qu'on ouvre les portes du palais, que tout le monde soit de l'Académie française, et ait le droit d'embrasser Madame Hucheloup. Buvons !» Et se tournant vers Mame Hucheloup, il ajoutait « Femme antique et consacrée par l'usage, approche, que je te contemple !» Et Joly s'écriait « Batelote et gibelote, de donner plus à boire à Grantaire, il mange des argents fous, il a déjà dévoré depuis ce matin en prodigalité éperdue 2 francs 95 centimes !» Et Grantaire reprenait. « Qui donc a décroché les étoiles sans ma permission pour les mettre sur la table en guise de chandelle ?» Bossuet, fort ivre, avait conservé son calme. Il s'était assis sur l'appui de la fenêtre ouverte, mouillant son dos à la pluie qui tombait, et il contemplait ses deux amis. Tout à coup, il entendit derrière lui un tumulte, des pas précipités, des cris « aux armes !» Il se retourna et aperçut, rue Saint-Denis, au bout de la rue de la Chanvrerie, Enjolras qui passait, le fusil à la main, et Gavroche avec son pistolet, Feuilly avec son sabre, Courfeyrac avec son épée, Jean Prouvaire avec son mousqueton, Combeferre avec son fusil, Bahorel avec sa carabine, et tout le rassemblement armé et orageux qui les suivait. La rue de la Chanvrerie n'était guère longue que d'une portée de carabine. Bossuet improvisa avec ses deux mains un porte-voix autour de sa bouche et cria « Courfeyrac ! Courfeyrac ! Ohé !» Courfeyrac entendit l'appel, aperçut Bossuet et fit quelques pas dans la rue de la Chanvrerie en criant un « Que veux-tu ?» qui se croisa avec un « Où vas-tu ?»« Faire une barricade !» répondit Courfeyrac. « Eh bien, ici, la place est bonne, fais-la ici !» « C'est vrai, aigle !» dit Courfeyrac. Et sur un signe de Courfeyrac, l'attroupement se précipita rue de la Chanvrerie. Chapitre 3. La nuit commence à se faire sur Grantaire. La place était en effet admirablement indiquée. L'entrée de la rue évasée, le fond rétréci et en cul-de-sac, Corinthe y faisant un étranglement, la rue Mondétour facile à barrer à droite et à gauche, aucune attaque possible que par la rue Saint-Denis, c'est-à-dire de front et à découvert. Bossuet, gris, avait eu le coup d'œil d'Annibal à Jeun. À l'irruption du rassemblement, l'épouvante avait pris toute la rue. Pas un passant qui ne se fût éclipsé. Le temps d'un éclair, au fond, à droite, à gauche, boutiques, établies, portes d'allée, fenêtres, persiennes, mansardes, volets de toutes dimensions, s'étaient fermées, depuis les rez-de-chaussée jusque sur les toits. Une vieille femme effrayée avait fixé un matelas devant sa fenêtre à deux perches à sécher le linge, afin d'amortir la mousqueterie. La maison du cabaret était seule restée ouverte. Et cela, par une bonne raison, c'est que l'attroupement s'y était rué. « Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu !» soupirait Mame Hucheloup. Bossuet était descendu au-devant de Courfeyrac. Joly, qui s'était mise à la fenêtre, cria « Courfeyrac, tu aurais dû prendre un parapluie, tu vas t'enruber !» Cependant, en quelques minutes, 20 barres de fer avaient été arrachées de la devanture grillée du cabaret, 10 toises de rue avaient été dépavées. Gavroche et Bahorel avaient saisi au passage et renversé le haquet d'un fabricant de chaux appelé Anceau. Ce haquet contenait 3 barriques pleines de chaux qu'ils avaient placées sous des piles de pavés. Enjolras avait levé la trappe de la cave et toutes les futailles vides de la veuve Hucheloup étaient allées flanquer les barriques de chaux. Feuilly, avec ses doigts habitués à enluminer les lames délicates des éventails, avait contrebuté les barriques et le haquet de 2 massives piles de moellons. Moellons improvisés comme le reste, et pris on ne sait où. Des poutres d'étai avaient été arrachées à la façade d'une maison voisine et couchées sur les futailles. Quand Bossuet et Courfeyrac se retournèrent, la moitié de la rue était déjà barrée, d'un rempart plus haut qu'un homme. Rien n'est tel que la main populaire pour bâtir tout ce qui se bâtit en démolissant. Matelote et Gibelotte s'étaient mêlés aux travailleurs. Gibelotte allait et venait chargée de gravats. Sa lassitude aidait à la barricade. Elle servait des pavés comme elle eût servi du vin, l'air endormi. Un omnibus, qui avait 2 chevaux blancs, passa au bout de la rue. Bossuet enjamba les pavés, courut, arrêta le cocher, fit descendre les voyageurs, donna la main aux dames, congédia le conducteur et revint, ramenant voiture et chevaux par la bride. « Les omnibus, dit-il, ne passent pas devant Corinthe. Non licet omnibus adire Corinthum. » Un instant après, les chevaux dételés s'en allaient au hasard par la rue Mondétour et l'omnibus, couché sur le flanc, complétait le barrage de la rue. Mame Hucheloup, bouleversée, s'était réfugiée au premier étage. Elle avait l'œil vague et regardait sans voir, criant tout bas. Ses cris épouvantés n'osaient sortir de son gosier. « C'est la fin du monde !» murmurait-elle. Joly déposait un baiser sur le gros cou rouge et ridé de Mame Hucheloup et disait à grand-père « Mon cher, « j'ai toujours considéré le cou d'une femme comme une chose infiniment délicate. » Mais Grantaire atteignait les plus hautes régions du dithyrambe. Matelote était remontée au premier, Grantaire l'avait saisie par la taille et poussait à la fenêtre de longs éclats de rire. « Matelote est laide » criait-il. « Matelote est la laideur rêve. Matelote est une chimère. Voici le secret de sa naissance. » Un pygmalion gothique, qui faisait des gargouilles de cathédrale, tomba un beau matin amoureux de l'une d'elles, la plus horrible. Il supplia l'amour de l'animer, et cela fit Matelote. « Regardez-la, citoyen ! Elle a les cheveux couleur chromate de plomb, comme la maîtresse du Titien. Et c'est une bonne fille. Je vous réponds qu'elle se battra bien. Toute bonne fille contient un héros. » Quant à la mère Hucheloup, c'est une vieille brave. Voyez les moustaches qu'elle a. Elle les a héritées de son mari. Une houssarde, quoi. Elle se battra aussi. À elles deux, elles feront peur à la banlieue. Camarades, nous renverserons le gouvernement. Vrai, comme il est vrai qu'il existe 15 acides intermédiaires entre l'acide margarique et l'acide formique. Du reste, cela m'est parfaitement égal. Messieurs, mon père m'a toujours détesté parce que je ne pouvais comprendre les mathématiques. Je ne comprends que l'amour et la liberté. Je suis Grantaire, le bon enfant. N'ayant jamais eu d'argent, je n'en ai pas pris l'habitude, ce qui fait que je n'en ai jamais manqué. Mais si j'avais été riche, il n'y aurait plus eu de pauvres, on aurait vu. Oh, si les bons cœurs avaient les grosses bourses, comme tout irait mieux. Je me figure Jésus-Christ avec la fortune de Rothschild. Que de bien il ferait. Matelote, embrassez-moi. Vous êtes voluptueuse et timide. Vous avez des joues qui appellent le baiser d'une sœur et des lèvres qui réclament le baiser d'un amant. « Tais-toi, futaille !» dit Courfeyrac. Grantaire répondit « Je suis Capitoul et maître ai-je Floreau. » Enjolras, qui était debout sur la crête du barrage, le fusil au poing, leva son beau visage austère. Enjolras, on le sait, tenait du Spartiate et du Purita. Il fut mort au Thermopyle avec Léonidas et eut brûlé Drogheda avec Cromwell. « Grantaire ! » cria-t-il, « va-t'en cuver ton vin hors d'ici. C'est la place de l'ivresse et non de l'ivrognerie. Ne déshonore pas la barricade. » Cette parole irritée produisit sur Grantaire un effet singulier. On eût dit qu'il recevait un verre d'eau froide à travers le visage. Il parut subitement dégrisé. Il s'assit, s'accouda sur une table près de la croisée, regarda Enjolras avec une inexprimable douceur et lui dit « Tu sais que je crois en toi. Va-t'en ! Laisse-moi dormir ici. Va dormir ailleurs !» cria Enjolras. Mais Grantaire, fixant toujours sur lui ses yeux tendres et troubles, répondit « Laisse-moi y dormir, jusqu'à ce que j'y meure. » Enjolras le considéra d'un œil dédaigneux. « Grantaire, tu es incapable de croire, de penser, de vouloir, de vivre et de mourir. » Grantaire répliqua d'une voix grave « Tu verras. » Il bégaya encore quelques mots inintelligibles, puis sa tête tomba pesamment sur la table, et, ce qui est un effet assez habituel de la seconde période de l'ébriété, où Enjolras l'avait rudement et brusquement poussé, un instant après, il était endormi. Chapitre 4. Essai de consolation sur la veuve Hucheloup. Bahorel, extasié de la barricade, criait « Voilà la rue décolletée, comme on fait cela bien !» Courfeyrac, tout en démolissant un peu le cabaret, cherchait à consoler la veuve cabaretière. « Mère Hucheloup, ne vous plaigniez-vous pas l'autre jour quand vous avez signifié procès-verbal et mis en contravention parce que Gibelotte avait secoué un tapis de lit par votre fenêtre ?»« Oui, mon bon monsieur Courfeyrac. » « Ah, mon Dieu, est-ce que vous allez mettre aussi cette table-là dans votre horreur ? Et même que, pour le tapis, et aussi pour un pot de fleurs qui était tombé de la mansarde dans la rue, le gouvernement m'a pris 100 francs d'amende, si ce n'est pas une abomination !»« Eh bien, mère Hucheloup, nous vous vengeons !» La mère Hucheloup, dans cette réparation qu'on lui faisait, ne semblait pas comprendre beaucoup son bénéfice. Elle était satisfaite à la manière de cette femme arabe qui, ayant reçu un soufflet de son mari, s'alla plaindre à son père, criant vengeance et disant « Père, tu dois à mon mari affront pour affront !» Le père demanda « Sur quelle joue as-tu reçu le soufflet ?»« Sur la joue gauche. » Le père souffleta la joue droite et dit « Te voilà contente. Va dire à ton mari qu'il a souffleté ma fille, mais que j'ai souffleté sa femme. » La pluie avait cessé. Des recrues étaient arrivées. Des ouvriers avaient apporté sous leur blouse un baril de poudre, un panier contenant des bouteilles de vitriol, 2 ou 3 torches de carnaval et une bourriche pleine de lampions restée de la fête du roi. Laquelle fête était toute récente, ayant eu lieu le 1er mai. On disait que ces munitions venaient de la part d'un épicier du faubourg Saint-Antoine, nommé Pépin. On brisait l'unique réverbère de la rue de la Chanvrerie, la lanterne correspondante de la rue Saint-Denis et toutes les lanternes des rues circonvoisines, de Mondétour, du Cygne, des Prêcheurs et de la Grande et de la Petite Truanderie. Enjolras, Combeferre et Courfeyrac dirigeaient tout. Maintenant, 2 barricades se construisaient en même temps, toutes 2 appuyées à la maison de Corinthe et faisant équerre. La plus grande fermait la rue de la Chanvrerie, l'autre fermait la rue Mondétour du côté de la rue du Cygne. Cette dernière barricade, très étroite, n'était construite que de tonneaux et de pavés. Ils étaient là environ 50 travailleurs, une 30aine armés de fusils, car chemin faisant, ils avaient fait un emprunt en bloc à une boutique d'armurier. Rien de plus bizarre et de plus bigarré que cette troupe. L'un avait un habit veste, un sabre de cavalerie et deux pistolets d'arçon. Un autre était en manche de chemise avec un chapeau rond et une poire à poudre pendue au côté. Un troisième, plastronné de 9 feuilles de papier gris et armé d'une haleine de sellier. Il y en avait un qui criait « Exterminons jusqu'au dernier et mourons au bout de notre baïonnette !» Celui-là n'avait pas de baïonnette. Un autre étalait par-dessus sa redingote une buffleterie et une giberne de garde nationale avec le couvre-giberne, orné de cette inscription en laine rouge « Ordre public ». Force fusil portant des numéros de légion, peu de chapeau, point de cravate, beaucoup de bras nus, quelques piques. Ajoutez à cela tous les âges, tous les visages, de petits jeunes gens pâles, des ouvriers du port bronzés. Tous se hâtaient et, tout en s'entraidant, on causait des chances possibles, qu'on aurait des secours vers 3 heures du matin, qu'on était sûr d'un régiment, que Paris se soulèverait. Propos terribles auxquels se mêlait une sorte de jovialité cordiale. On eût dit des frères. Ils ne savaient pas les noms les uns des autres. Les grands périls ont cela de beau, qu'ils mettent en lumière la fraternité des inconnus. Un feu avait été allumé dans la cuisine, et l'on y fondait dans un moule à balles, broc, cuillère, fourchette, toute l'argenterie d'étain du cabaret. On buvait à travers tout cela. Les capsules et les chevrotines traînaient pêle-mêle sur les tables avec les verres de vin. Dans la salle de billard, Mame Hucheloup, Matelote et Gibelotte, diversement modifiées par la terreur, dont l'une était abrutie, l'autre essoufflée, l'autre éveillée, déchiraient de vieux torchons et faisaient de la charpie. 3 insurgés les assistaient, 3 gaillards chevelus, barbus et moustachus, qui épluchaient la toile avec des doigts de lingère et qui les faisaient trembler. L'homme de haute stature que Courfeyrac, Combeferre et Enjolras avaient remarqué à l'instant où il abordait l'attroupement au coin de la rue des Billettes, travaillait à la petite barricade et s'y rendit utile. Gavroche travaillait à la grande. Quant au jeune homme qui avait attendu Courfeyrac chez lui et lui avait demandé M. Marius, il avait disparu à peu près vers le moment où l'on avait renversé l'omnibus. Gavroche, complètement envolé et radieux, s'était chargé de la mise en train. Il allait, venait, montait, descendait, remontait, bruissait, étincelait. Il semblait être là pour l'encouragement de tous. Avait-il un aiguillon? Oui, certes, sa misère. Avait-il des ailes? Oui, certes, sa joie. Gavroche était un tourbillonnement. On le voyait sans cesse, on l'entendait toujours. Il remplissait l'air, étant partout à la fois. C'était une espèce d'ubiquité presque irritante. Pas d'arrêt possible avec lui. L'énorme barricade le sentait sur sa croupe. Il gênait les flâneurs, il excitait les paresseux, il ranimait les fatigués, il impatientait les pensifs, mettait les uns en gaieté, les autres en haleine, les autres en colère. Tous en mouvement, piquait un étudiant, mordait un ouvrier, se posait, s'arrêtait, repartait, volait au-dessus du tumulte et de l'effort, sautait de ci à cela, murmurait, bourdonnait et harcelait tout l'attelage. Mouche de l'immense coche révolutionnaire. Le mouvement perpétuel était dans ses petits bras et la clameur perpétuelle dans ses petits poumons. Hardi, encore des pavés, encore des tonneaux, encore des machins. Où y en a-t-il? Une hottée de plâtras pour me boucher ce trou-là. C'est tout petit, votre barricade. Il faut que ça monte. Mettez-y tout, flanquez-y tout, fichez-y tout. Cassez la maison. Une barricade, c'est le thé de la mère Gibou. Tenez, voilà une porte vitrée. Ceci fit exclamer les travailleurs. Une porte vitrée? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'une porte vitrée, tubercule? « Hercule vous-même !» riposta Gavroche. « Une porte vitrée dans une barricade, c'est excellent. Ça n'empêche pas de l'attaquer, mais ça gêne pour la prendre. Vous n'avez donc jamais chipé des pommes par-dessus un mur où il y avait des culs de bouteille ? Une porte vitrée, ça coupe les corps aux pieds de la garde nationale quand elle veut monter sur la barricade. Pardi, le verre est traître. Ah ça, vous n'avez pas une imagination effrénée, mes camarades. Du reste, il était furieux de son pistolet sans chien. Il allait de l'un à l'autre, réclamant « Un fusil, je veux un fusil. Pourquoi ne me donne-t-on pas un fusil ?»« Un fusil à toi ?» dit Combeferre. « Tiens, répliqua Gavroche, pourquoi pas ? J'en ai bien eu un en 1830, quand on s'est disputé avec Charles X. » Enjolras haussa les épaules. « Quand il y en aura pour les hommes, on en donnera aux enfants. » Gavroche se tourna fièrement et lui répondit « Si tu es tué avant moi, je te prends le tien. » « Gamin !» dit Enjolras. « Blanc-bec !» dit Gavroche. Un élégant fourvoyé qui flânait au bout de la rue fit diversion. Gavroche lui cria « Venez avec nous, jeune homme ! Eh bien, cette vieille patrie, on ne fait donc rien pour elle ?» L'élégant s'enfuit. Chapitre 5. Les préparatifs. Les journaux du temps, qui ont dit que la barricade de la rue de la Chanvrerie, cette construction presque inexpugnable, comme ils l'appellent, atteignait au niveau d'un premier étage, se sont trompés. Le fait est qu'elle ne dépassait pas une hauteur moyenne de 6 ou 7 pieds. Elle était bâtie de manière que les combattants pouvaient, à volonté, ou disparaître derrière, ou dominer le barrage, et même en escalader la crête, au moyen d'une quadruple rangée de pavés superposés et arrangés en gradins à l'intérieur. Au dehors, le front de la barricade, composé de piles de pavés et de tonneaux reliés par des poutres et des planches qui s'enchevêtraient dans les roues de la charrette en seau et de l'omnibus renversé, avait un aspect hérissé et inextricable. Une coupure suffisante pour qu'un homme y pût passer avait été ménagée entre le mur des maisons et l'extrémité de la barricade la plus éloignée du cabaret, de façon qu'une sortie était possible. La flèche de l'omnibus était dressée droite et maintenue avec des cordes, et un drapeau rouge fixé à cette flèche flottait sur la barricade. La petite barricade de Mondétour, cachée derrière la maison du cabaret, ne s'apercevait pas. Les deux barricades réunies formaient une véritable redoute. Enjolras et Courfeyrac n'avaient pas jugé à propos de barricader l'autre tronçon de la rue Mondétour qui ouvre par la rue des Prêcheurs une issue sur les Halles, voulant sans doute conserver une communication possible avec le dehors, et redoutant peu d'être attaqué par la dangereuse et difficile ruelle des Prêcheurs. À cela près de cette issue restée libre, qui constituait ce que Follard, dans son style stratégique, eût appelé un boyau, et en tenant compte aussi de la coupure exiguë ménagée sur la rue de la Chanvrerie, l'intérieur de la barricade, où le cabaret faisait un angle saillant, présentait un quadrilatère irrégulier fermé de toutes parts. Il y avait une 20aine de pas d'intervalle entre le grand barrage et les hautes maisons qui formaient le fond de la rue, en sorte qu'on pouvait dire que la barricade était adossée à ces maisons, toutes habitées, mais closes du haut en bas. Tout ce travail se fit sans empêchement en moins d'une heure, et sans que cette poignée d'hommes hardis vît surgir un bonnet à poils ni une baïonnette. Les bourgeois peu fréquents qui se hasardaient encore à ce moment de l'émeute dans la rue Saint-Denis jetaient un coup d'œil rue de la Chanvrerie, apercevaient la barricade et doublaient le pas. Les deux barricades terminées, le drapeau arboré, on traîna une table hors du cabaret et Courfeyrac monta sur la table. Enjolras apporta le coffre carré et Courfeyrac l'ouvrit. Ce coffre était rempli de cartouches. Quand on vit les cartouches, il y eut un tressaillement parmi les plus braves et un moment de silence. Courfeyrac les distribua en souriant. Chacun reçut 30 cartouches. Beaucoup avaient de la poudre et se mit à en faire d'autres avec les balles qu'on fondait. Quant au baril de poudre, il était sur une table à part, près de la porte, et on le réserva. Le rappel qui parcourait tout Paris ne discontinuait pas, mais cela avait fini par ne plus être qu'un bruit monotone auquel il ne faisait plus attention. Ce bruit tantôt s'éloignait, tantôt s'approchait, avec des ondulations lugubres. On chargea les fusils et les carabines, tous ensemble, sans précipitation, avec une gravité solennelle. Enjolras alla placer 3 sentinelles hors des barricades, l'une rue de la Chanvrerie, la seconde rue des Prêcheurs, la troisième au coin de la petite truanderie. Puis, les barricades bâties, les postes assignés, les fusils chargés, les vedettes posées, seuls dans ces rues redoutables où personne ne passait plus, entourés de ces maisons muettes et comme mortes où ne palpitait aucun mouvement humain, enveloppés des ombres croissantes du crépuscule qui commençait au milieu de cette obscurité et de ce silence où l'on sentait s'avancer quelque chose et qui avait je ne sais quoi de tragique et de terrifiant, isolés, armés, déterminés, tranquilles, ils attendirent. Chapitre 6. En attendant. Dans ces heures d'attente, que firent-ils? Il faut bien que nous le disions, puisque ceci est de l'histoire. Tandis que les hommes faisaient des cartouches et les femmes de la charpie, tandis qu'une large casserole pleine d'étain et de plomb fondu destinée aux moules à balles fumait sur un réchaud ardent, pendant que les vedettes veillaient l'arme au bras sur la barricade, pendant qu'Enjolras, impossible à distraire, veillait sur les vedettes, Combeferre, Courfeyrac, Jean Prouvaire, Feuilly, Bossuet, Joly, Bahorel, quelques autres encore, se cherchèrent et se réunirent, comme au plus paisible jour de leur causerie d'écoliers. Et dans un coin de ce cabaret, changé en casemate, à 2 pas de la redoute qu'ils avaient élevée, leurs carabines amorcées et chargées, appuyées au dossier de leur chaise, ces beaux jeunes gens, si voisins d'une heure suprême, se mirent à dire des vers d'amour. Quels vers? Les voici. Vous rappelez-vous votre douce vie lorsque nous étions si jeunes tous deux et que nous n'avions au cœur d'autre envie que d'être bien mis et d'être amoureux? Lorsqu'en ajoutant votre âge à mon âge, nous ne comptions pas à 2 40 ans et que dans notre humble et petit ménage, tout, même l'hiver, nous était printemps. Beau jour, Manuel était fier et sage, Paris s'asseyait à de saints banquets, foi lançait la foudre, et votre corsage avait une épingle où je me piquais. Tout vous contemplait, avocat sans cause, quand je vous menais au Prado dîner, vous étiez joli au point que les roses me faisaient l'effet de se retourner. Je les entendis dire « Est-elle belle? Comme elle sent bon, quels cheveux à flots! Sous son mantelet, elle cache une aile, son bonnet charmant est à peine éclos. J'irais avec toi, pressant ton bras souple, les passants croyaient que l'amour charmé avait marié dans notre heureux couple le du mois d'avril au beau mois de mai. Nous vivions cachés, contents, porte close, dévorant l'amour, bon fruit défendu. Ma bouche n'avait pas dit une chose que déjà ton cœur avait répondu. La Sorbonne était l'endroit bucolique où je t'adorais du soir au matin. C'est ainsi qu'une âme amoureuse applique la carte du tendre au pays latin. Ô place Maubert, ô place Dauphine, quand, dans le taudis frais et printanier, tu tirais ton bas sur ta jambe fine, je voyais un astre au fond du grenier. J'ai fort lu Platon, mais rien ne m'en reste. Mieux que Malebranche et que la Menet, tu me démontrais la bonté céleste avec une fleur que tu me donnais. Je t'obéissais, tu m'étais soumise. Ô grenier doré, te lasser, te voir aller et venir dès l'aube en chemise, mirant ton front jeune à ton vieux miroir. Et qui donc pourrait perdre la mémoire de ces temps d'aurore et de firmament, de rubans, de fleurs, de gaz et de moire, où l'amour bégaye un argot charmant. Nos jardins étaient un pot de tulipes. Tu masquais la vitre avec un jupon. Je prenais le bol de terre de pipe et je te donnais la tasse en japon. Et ces grands malheurs qui nous faisaient rire, ton manchon brûlé, ton boa perdu, et ce cher portrait du divin Shakespeare qu'un soir pour souper nous avons vendu. J'étais mendiant et toi charitable. Je baisais au vol tes bras frais et ronds. Dante in folio nous servait de table pour manger gaiement un sang de marron. La première fois qu'en mon joyeux bouge je pris un baiser à ta lèvre en feu, quand tu t'en allas décoiffé et rouge, je restai tout pâle et je crus en Dieu. Te rappelles-tu nos bonheurs sans nombre et tous ces fichus changés en chiffons? Oh, que de soupirs, de nos cœurs pleins d'ombre, se sont envolés dans les cieux profonds. L'heure, le lieu, ces souvenirs de jeunesse rappelés, quelques étoiles qui commençaient à briller au ciel, le repos funèbre de ces rues désertes, l'imminence de l'aventure inexorable qui se préparait, un charme pathétique à ces vers murmurés à demi-voix dans le crépuscule par Jean Prouvaire, qui, nous l'avons dit, était un doux poète. Cependant, on avait allumé un lampion dans la petite barricade, et, dans la grande, une de ces torches de cire, comme on en rencontre le mardi gras en avant des voitures chargées de masques qui vont à la courtille. Ces torches, on l'a vu, venaient du faubourg Saint-Antoine. La torche avait été placée dans une espèce de cage de pavé fermée de trois côtés pour l'abriter du vent et disposée de façon que toute la lumière tombait sur le drapeau. La rue et la barricade restaient plongées dans l'obscurité et l'on ne voyait rien que le drapeau rouge formidablement éclairé comme par une énorme lanterne sourde. Cette lumière ajoutait à l'écarlate du drapeau je ne sais quel pourpre terrible. Chapitre 7. L'homme recruté rue des Billettes. La nuit était tout à fait tombée. Rien ne venait. On n'entendait que des rumeurs confuses et par instants des fusillades, mais rares, peu nourries et lointaines. Ce répit qui se prolongeait était signe que le gouvernement prenait son temps et ramassait ses forces. Ces 50 hommes en attendaient 60 000. Enjolras se sentit pris de cette impatience qui saisit les âmes fortes au seuil des événements redoutables. Il alla trouver Gavroche, qui s'était mis à fabriquer des cartouches dans la salle basse, à la clarté douteuse de 2 chandelles, posées sur le comptoir par précaution à cause de la poudre répandue sur les tables. Ces 2 chandelles ne jetaient aucun rayonnement au dehors. Les insurgés, en outre, avaient eu soin de ne point allumer de lumière dans les étages supérieurs. Gavroche, en ce moment, était fort préoccupé, non pas précisément de ses cartouches. L'homme de la rue des Billettes venait d'entrer dans la salle basse et était allé s'asseoir à la table la moins éclairée. Il lui était échu un fusil de munitions grand modèle qu'il tenait entre ses jambes. Gavroche, jusqu'à cet instant, distrait par 100 choses amusantes, n'avait pas même vu cet homme. Lorsqu'il entra, Gavroche le suivit machinalement des yeux, admirant son fusil, puis, brusquement, quand l'homme fut assis, le gamin se leva. Ceux qui auraient épié l'homme jusqu'à ce moment l'auraient vu tout observé dans la barricade et dans la bande des insurgés avec une attention singulière. Mais depuis qu'il était entré dans la salle, il avait été pris d'une sorte de recueillement et ne semblait ne plus rien voir de ce qui se passait. Le gamin s'approcha de ce personnage pensif et se mit à tourner autour de lui sur la pointe du pied comme on marche auprès de quelqu'un qu'on craint de réveiller. En même temps, sur son visage enfantin, à la fois si effronté et si sérieux, si évaporé et si profond, si gai et si navrant, passaient toutes ces grimaces de vieux qui signifient Ah bah, pas possible, j'ai la berlue. Je rêve. Est-ce que ce serait... Non, ce n'est pas... Mais si, mais non, etc. Gavroche se balançait sur ses talons, crispait ses deux poings dans ses poches, remuait le cou comme un oiseau, dépensait en une lippe démesurée toute la sagacité de sa lèvre inférieure. Il était stupéfait, incertain, incrédule, convaincu, ébloui. Il avait la mine du chef des eunuques au marché des esclaves, découvrant une Vénus parmi les dondons, et l'air d'un amateur reconnaissant un Raphaël dans un tas de croûtes. Tout chez lui était au travail, l'instinct qui flaire et l'intelligence qui combine. Il était évident qu'il arrivait un événement à Gavroche. C'est au plus fort de cette préoccupation qu'Enjolras l'aborda. « Tu es petit, dit Enjolras, on ne te verra pas. Sors des barricades, glisse-toi le long des maisons, va un peu partout par les rues et reviens me dire ce qui se passe. » Gavroche se haussa sur ses hanches. « Les petits sont donc bons à quelque chose, c'est bien heureux, j'y vais. En attendant, fiez-vous aux petits, méfiez-vous des grands. » Et Gavroche, levant la tête et baissant la voix, ajouta, en désignant l'homme de la rue des Billettes, « Vous voyez bien ce grand-là ? Eh bien, c'est un mouchard. Tu es sûr ? Il n'y a pas 15 jours qu'il m'a enlevé par l'oreille de la corniche du pont royal où je prenais l'air. » Enjolras quitta vivement le gamin et murmura quelques mots très bas à un ouvrier du port au vin qui se trouvait là. L'ouvrier sortit de la salle et y rentra presque tout de suite, accompagné de 3 autres. Ces 4 hommes, 4 portefaix aux larges épaules, allèrent se placer, sans rien faire qui pût attirer son attention, derrière la table où était accoudé l'homme de la rue des Billettes. Ils étaient visiblement prêts à se jeter sur lui. Alors Enjolras s'approcha de l'homme et lui demanda « Qui êtes-vous ? » À cette question brusque, l'homme eut un soubresaut. Il plongea son regard jusqu'au fond de la prunelle candide d'Enjolras et parut y saisir sa pensée. Il sourit d'un sourire qui était tout ce qu'on peut voir au monde de plus dédaigneux, de plus énergique et de plus résolu, et répondit avec une gravité hautaine « Je vois ce que c'est. Eh bien oui. Vous êtes mouchard ? Je suis agent de l'autorité. Vous vous appelez ? Javert. » Enjolras fit signe aux 4 hommes. En un clin d'œil, avant que Javert eût eu le temps de se retourner, il fut colleté, terrassé, garrotté, fouillé. On trouva sur lui une petite carte ronde, collée entre 2 verres et portant d'un côté les armes de France gravées avec cette légende « Surveillance et vigilance » et de l'autre cette mention « Javert, inspecteur de police, âgé de 52 ans » et la signature du préfet de police d'alors, M. Gisquet. Il avait en outre sa montre et sa bourse qui contenaient quelques pièces d'or. On lui laissa la bourse et la montre. Derrière la montre, au fond du gousset, on tâta et l'on saisit un papier sous enveloppe qu'Enjolras déplia et où il lut ces 5 lignes écrites de la main même du préfet de police. Sitôt sa mission politique remplie, l'inspecteur Javert s'assurera, par une surveillance spéciale, s'il est vrai que des malfaiteurs aient des allures sur la berge de la rive droite de la Seine, près le pont d'Iéna. Le fouillage terminé, on redressa Javert, on lui noua les bras derrière le dos et on l'attacha au milieu de la salle basse, à ce poteau célèbre qui avait jadis donné son nom au cabaret. Gavroche, qui avait assisté à toute la scène et tout approuvé d'un hochement de tête silencieux, s'approcha de Javert et lui dit « C'est la souris qui a pris le chat !» Tout cela s'était exécuté si rapidement que c'était fini quand on s'en aperçut autour du cabaret. Javert n'avait pas jeté un cri. En voyant Javert lié au poteau, Courfeyrac, Bossuet Joly, Combeferre et les hommes dispersés dans les deux barricades accoururent. Javert, adossé au poteau et si entouré de cordes qu'il ne pouvait faire un mouvement, levait la tête avec la sérénité intrépide de l'homme qui n'a jamais menti. « C'est un mouchard, » dit Enjolras. Et se tournant vers Javert, « Vous serez fusillé 2 minutes avant que la barricade soit prise. » Javert répliqua de son accent le plus impérieux, « Pourquoi pas tout de suite ?»« Nous ménageons la poudre. » »« Alors, finissez-en d'un coup de couteau. » »« Mouchard, » dit le bel Enjolras, « nous sommes des juges et non des assassins. » Puis il appela Gavroche. « Toi, va à ton affaire, fais ce que je t'ai dit. »« J'y vas !» cria Gavroche. Et s'arrêtant au moment de partir, « À propos, vous me donnerez son fusil !» Et il ajouta, « Je vous laisse le musicien, mais je veux la clarinette !» Le gamin fit le salut militaire et franchit gaiement la coupure de la grande barricade. Chapitre 8. Plusieurs points d'interrogation à propos d'un nommé le Cabuc, qui ne se nommait peut-être pas le Cabuc. La peinture tragique que nous avons entreprise ne serait pas complète. Le lecteur ne verrait pas dans leur relief exact et réel ces grandes minutes de gésine sociale et d'enfantement révolutionnaire où il y a de la convulsion mêlée à l'effort. Si nous omettions, dans l'esquisse ébauchée ici, un incident plein d'une horreur épique et farouche qui survint presque aussitôt après le départ de Gavroche. Les attroupements, comme on sait, font boule de neige et agglomèrent en roulant un tas d'hommes tumultueux. Ces hommes ne se demandent pas entre eux d'où ils viennent. Parmi les passants qui s'étaient réunis au rassemblement conduit par Enjolras, Combeferre et Courfeyrac, il y avait un être, portant la veste du portefaix usée aux épaules, qui gesticulait et vociférait, et avait la mine d'une espèce d'ivrogne sauvage. Cet homme, un nommé ou surnommé le Cabuc, et du reste tout à fait inconnu de ceux qui prétendaient le connaître, très ivre, ou faisait semblant, s'était attablé avec quelques autres à une table qu'ils avaient tirée en dehors du cabaret. Ce Cabuc, tout en faisant boire ce qui lui tenait tête, semblait considérer d'un air de réflexion la grande maison du fond de la barricade, dont les 5 étages dominaient toute la rue et faisaient face à la rue Saint-Denis. Tout à coup, il s'écria : Camarades, savez-vous, c'est de cette maison-là qu'il faudrait tirer. Quand nous serons là aux croisées, du diable si quelqu'un avance dans la rue !»« Oui, mais la maison est fermée, » dit un des buveurs. « Cognons ! On n'ouvrira pas. Enfonçons la porte !» Le Cabuc court à la porte qui avait un marteau fort massif et frappe. La porte ne s'ouvre pas. Il frappe un second coup. Personne ne répond. Un troisième coup, même silence. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» crie le Cabuc. Rien ne bouge. Alors il saisit un fusil et commence à battre la porte à coups de crosse. C'était une vieille porte d'allée, cintrée, basse, étroite, solide, tout en chêne, doublée à l'intérieur d'une feuille de tôle et d'une armature de fer, une vraie poterne de Bastille. Les coups de crosse faisaient trembler la maison, mais n'ébranlaient pas la porte. Toutefois, il est probable que les habitants s'étaient émus, car on vit enfin s'éclairer et s'ouvrir une petite lucarne carrée au 3e étage, et apparaître à cette lucarne une chandelle et la tête béate et effrayée d'un bonhomme en cheveux gris qui était le portier. L'homme qui cognait s'interrompit. « Messieurs, demanda le portier, que désirez-vous ? Ouvre, dit le Cabuc. « Messieurs, cela ne se peut pas. Ouvre toujours !»« Impossible, messieurs !» Le Cabuc prit son fusil et coucha en joue le portier. Mais comme il était en bas et qu'il faisait très noir, le portier ne le vit point. « Oui ou non, veux-tu ouvrir ?»« Non, messieurs !»« Tu dis non !»« Je dis non, mais bon... » Le portier n'acheva pas. Le coup de fusil était lâché. La balle lui était entrée sous le menton et était sortie par la nuque après avoir traversé la jugulaire. Le vieillard s'affaissa sur lui-même sans pousser un soupir. La chandelle tomba et s'éteignit, et l'on ne vit plus rien qu'une tête immobile posée au bord de la lucarne et un peu de fumée blanchâtre qui s'en allait vers le toit. « Voilà !» dit le cabuc en laissant retomber sur le pavé la crosse de son fusil. Il avait à peine prononcé ce mot qu'il sentit une main qui se posait sur son épaule avec la pesanteur d'une serre d'aigle, et il entendit une voix qui lui disait « À genoux !» Le meurtrier se retourna et vit devant lui la figure blanche et froide d'Enjolras. Enjolras avait un pistolet à la main. À la détonation, il était arrivé. Il avait empoigné de sa main gauche le collet, la blouse, la chemise et la bretelle du cabuc. « À genoux » répéta-t-il. Et d'un mouvement souverain, le frêle jeune homme de 20 ans plia comme un roseau le crocheteur trapu et robuste et l'agenouilla dans la boue. Le cabuc essaya de résister, mais il semblait qu'il eût été saisi par un poing surhumain. Pâle, le col nu, les cheveux épars, Enjolras, avec son visage de femme, avait en ce moment je ne sais quoi de la Thémis antique. Ses narines gonflées, ses yeux baissés, donnaient à son implacable profil grec cette expression de colère et cette expression de chasteté qui, au point de vue de l'ancien monde, conviennent à la justice. Toute la barricade était accourue, puis tous s'étaient rangés en cercle, à distance, sentant qu'il était impossible de prononcer une parole devant la chose qu'ils allaient voir. Le cabuc, vaincu, n'essayait plus de se débattre et tremblait de tous ses membres. Enjolras le lâcha et tira sa montre. « Recueille-toi, dit-il. Prie ou pense, tu as 1 minute. »« Grâce !» murmura le meurtrier. Puis il baissa la tête et balbutia quelques jurements inarticulés. Enjolras ne quitta pas la montre des yeux. Il laissa passer la minute, puis il remit la montre dans son gousset. Cela fait, il prit par les cheveux le cabuc qui se pelotonnait contre ses genoux en hurlant et lui appuya sur l'oreille le canon de son pistolet. Beaucoup de ces hommes intrépides, qui étaient si tranquillement entrés dans la plus effrayante des aventures, détournèrent la tête. On entendit l'explosion. L'assassin tomba sur le pavé, le front en avant. Et Enjolras se redressa et promena autour de lui son regard convaincu et sévère. Puis il poussa du pied le cadavre et dit « Jetez cela dehors !» 3 hommes soulevèrent le corps du misérable qu'agitaient les dernières convulsions machinales de la vie expirée et le jetèrent par-dessus la petite barricade dans la ruelle Mondétour. Enjolras était demeuré pensif. On ne sait quelles ténèbres grandioses se répandaient lentement sur sa redoutable sérénité. Tout à coup, il éleva la voix. On fit silence. « Citoyen, dit Enjolras, ce que cet homme a fait est effroyable, et ce que j'ai fait est horrible. Il a tué, c'est pourquoi je l'ai tué. J'ai dû le faire. » Car l'insurrection doit avoir sa discipline. L'assassinat est encore plus un crime ici qu'ailleurs. Nous sommes sous le regard de la Révolution. Nous sommes les prêtres de la République. Nous sommes les hosties du devoir. Et il ne faut pas qu'on puisse calomnier notre combat. J'ai donc jugé et condamné à mort cet homme. Quant à moi, contraint de faire ce que j'ai fait, mais laborant, je me suis jugé aussi. Et vous verrez tout à l'heure à quoi je me suis condamné. » Ceux qui écoutaient tressaillirent. « Nous partagerons ton sort !» cria Combeferre. « Soit, reprit Enjolras. Encore un mot. En exécutant cet homme, j'ai obéi à la nécessité. Mais la nécessité est un monstre du vieux monde. La nécessité s'appelle fatalité. Or, la loi du progrès, c'est que les monstres disparaissent devant les anges et que la fatalité s'évanouisse devant la fraternité. C'est un mauvais moment pour prononcer le mot amour. N'importe. je le prononce et je le glorifie. Amour, tu as l'avenir. Mort, je me sers de toi, mais je te hais. Citoyen, il n'y aura dans l'avenir ni ténèbres, ni coups de foudre, ni ignorance féroce, ni talion sanglant. Comme il n'y aura plus de Satan, il n'y aura plus de Michel. Dans l'avenir, personne ne tuera personne. La terre rayonnera, le genre humain aimera. Il viendra, citoyen, ce jour où tout sera concorde, harmonie, lumière, joie et vie. Il viendra. Et c'est pour qu'il vienne que nous allons mourir. Enjolras se tut. Ses lèvres de vierge se refermèrent. Et il resta quelque temps debout à l'endroit où il avait versé le sang, dans une immobilité de marbre. Son œil fixe faisait qu'on parlait bas autour de lui. Jean Prouvaire et Combeferre se serraient la main silencieusement et, appuyés l'un sur l'autre à l'angle de la barricade, considéraient avec une admiration où il y avait de la compassion ce grave jeune homme, bourreau et prêtre, de lumière comme le cristal et de roche aussi. Disons tout de suite que plus tard, après l'action, quand les cadavres furent portés à la morgue et fouillés, on trouva sur le cabuc une carte d'agent de police. L'auteur de ce livre a eu entre les mains, en 1848, le rapport spécial fait à ce sujet au préfet de police de 1832. Ajoutons que, s'il faut en croire une tradition de police étrange, mais probablement fondée, le cabuc, c'était Claquesous. Le fait est qu'à partir de la mort du cabuc, il ne fut plus question de Claquesous. Claquesous n'a laissé nulle trace de sa disparition. Il semblerait s'être amalgamé à l'invisible. Sa vie avait été ténèbres, sa fin fut nuit. Tout le groupe insurgé était encore, sous l'émotion de ce procès tragique si vite instruit et si vite terminé, quand Courfeyrac revit dans la barricade le petit jeune homme qui, le matin, avait demandé chez lui Marius. Ce garçon, qui avait l'air hardi et insouciant, était venu à la nuit rejoindre les insurgés.